et la nef. Si la nef la suive, assouvit tes rêves, elle arrive de chasse aux choses excessives. Fin ressort tes incisives, chaque minute blesse, la dernière tue. La mort a ses quatre ans, sauf tu viens des heures horreurs. Ça moncelle, voici la nef nouvelle, voici la nef libre. Se balance et nous délivre. Sous la maîtrise un peu ambrée, on va pouvoir enfin errer dans la poire de nos âmes. Trop eu à ses charmes, quand bien même t'es charné, la nef va s'emmener, nef aux mille vices. Novice artifice, au bord de par nos ciels, donne-nous des fiers. Voilà la nef dans l'orage, tout autour écume de rage, les eaux d'une aube déchaînée, alors on se laisse entraîner. La nef n'est plus qu'une coquille, craque de la proue à la quille, dans la maîtrise un peu ambrée, on va pouvoir enfin sombrer. Voilà la nef dans l'orage, tout autour écume de rage, les eaux d'une aube déchaînée, alors on se laisse entraîner. La nef n'est plus qu'une coquille, craque de la proue à la quille, dans la maîtrise un peu ambrée, on va pouvoir enfin sombrer. Nef aux mille vices, novice artifice, vogue de par nos ciels, donne-nous.